Le prophète Aïssam a fait des doigts, il a dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des doigts. Il a dit Oh Allah, yani, fais des bénédictions sur ceux qui font la chose tôt le matin. Vous remarquez que les gens qui se lèvent tôt, masha'Allah, et qui vont faire des choses, ou là, des projets, ou le travail, ou là, ont beaucoup plus de bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui font cette chose l'après-midi. Naam. Si tu veux la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose, fais-la le matin. Ne la fais pas l'après-midi ou là le soir. Si tu veux apprendre le Coran, essaye d'apprendre le matin. Et tu verras que ce sera plus facile car il y aura la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si tu as un projet à faire, fais-le le matin. Et l'après-midi, viens dormir. Mais ne le laisse pas pour l'après-midi si tu veux avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir naam, ceux qui font la chose tôt naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2842 naam, dans le hadith 2842 il a dit sallallahu alayhi wa sallam attendez une seconde il a dit bawlul ghulandah wa bawlul jariyati yukhsal lam yundah wa bawlul jariyati yukhsal. Lorsque on a un bébé, on a un enfant et que il est toujours dans la période où il boit le lait. Naam. Il boit le lait et il n'a pas encore commencé à manger. Il est toujours dans la période où il boit le lait. Naam. Maintenant, si jamais, sur par exemple sa maman, sur les vêtements de sa maman par exemple, ou bien de son père, naam, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord. Est-ce un garçon ou une fille? Est-ce un garçon ou une fille? Si c'est un garçon qui a uriné, ce n'est pas la peine de laver le vêtement. Il suffit juste de l'arroser avec un peu d'eau. On prend un peu d'eau et on verse dessus, c'est tout. Et si c'est une fille, on doit laver ce vêtement. Donc, ce hadith montre bien la différence entre l'urine du garçon et l'urine de la fille. Asperger, jazakallahu khairan. Naam. Donc, si on a de l'urine sur les vêtements, on doit voir deux choses. La première des choses, est-ce que cet enfant ne boit que du lait ou là, il a commencé à manger? Il a commencé à manger des biscottes et je ne sais pas quoi, la soupe et les spaghettis, etc. Maintenant, ça a changé le jugement. Il faut que ça soit quelqu'un qui ne boit que du lait. Il est jeune. Naam. Et la deuxième des choses, on doit voir est-ce un garçon ou bien une fille. Si c'est un garçon, on asperge, c'est tout. Si c'est une fille, on lave. On lave. Naam. Tayyib, bien sûr, vous allez dire quelle est la différence entre les deux. La différence, les savants l'ont cité. Ils ont dit même, yani, ça a été prouvé d'une façon, comment dirais-je, yani, médicalement, si je puis dire. Naam. Ils ont trouvé que physiologiquement, naam, les composants de la femme, de la fille, du garçon ne sont pas les mêmes. Naam. En général. Alors dans l'urine aussi. Naam. Ils ont dit il y a une différence dans l'urine de la femme et l'urine de l'homme. Naam. Et ils ont cité aussi autre chose. Ils ont cité aussi autre chose que je ne me rappelle pas. Mais le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas de savoir quelle est la cause. Mais le plus important, c'est de dire « Sami'na wa ata'na ». J'ai entendu et je vais appliquer. C'est ça l'essentiel. Que je connaisse pourquoi ou que je ne connaisse pas, ce n'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est quoi? C'est d'appliquer, de dire « Na'am ». De dire le prophète, alayhi, ce qu'il a dit est vrai. Naam, il ne parle pas des passions. Il ne parle que lorsque Allah Ta'ala lui dit de parler et lui ordonne. Donc, je dis, j'ai entendu et j'applique. Naam. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le hadith numéro 2859, il a dit, Beina ana na'im, alors que j'étais en train de dormir, id utitu bi qadhi laban, alors on m'a donné un récipient où il y avait du lait. Naam. Fasharibtu minhu, alors j'en ai bu. Hatta la ara riya, hatta la ara riya yajri fi atfari, j'ai bu de ce récipient de lait au point où j'ai vu, subhanallah al-azim, yani le lait comme ça marchait dans mes veines, au point où j'ai vu mes ongles devenir blancs, ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب, ensuite j'ai donné ce qui est resté du récipient, c'est-à-dire je ne l'ai pas terminé, je l'ai donné à Omar ibn al-Khattab. قالوا فيما أولته يا رسول الله, alors les compagnons ont demandé, ya Rasulallah, comment tu interprètes ce rêve? Tu bois du lait, tu laisses un peu et tu donnes à Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit al-ilm, c'est quoi? La science. Il a dit na'am, c'est la science. Donc quiconque se voit dans le songe en train de boire du lait, ça veut dire que cette personne, masha'Allah, a de la science, ou bien Allah Ta'ala va lui donner, masha'Allah, de la science. Donner, naam, ce fait. Tayyib, est-ce que vous êtes avec moi? Tayyib, est-ce que ça s'est coupé depuis quand? Est-ce que vous avez entendu le hadith du lait, boire du lait? Est-ce que vous avez entendu ce hadith? Je ne sais pas pourquoi. Quelques secondes, alhamdoulilah. Tayyib, donc ça s'est passé maintenant, c'est tout. Naam. Je disais que se voir dans le songe en train de boire du lait, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce songe. Ça veut dire que on va avoir la science. Ensuite, autre chose. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, naam, certains, vous savez qui, c'est pas la peine de les dire, hein, disent qu'il est kafir, subhanallah azim. Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr sont des kuffars. Allah al-musta'an de cet égarement. L'égarement de qui? Naam. Écrivez-moi l'égarement de qui? Je parle de qui? Écrivez-moi les chiites. Naam. Allah al-musta'an, c'est plus exactement, ce sont les rawafid. C'est mieux que les chiites. Parce que les chiites, en fin de compte, ce sont nous les chiites. Nous, Ahl Sunnah al-Jama'a, on est les chiites. Parce qu'on aime le prophète alayhi salam et on aime sa famille. On est des chiites pour lui. Mais les autres, ils se sont fait appeler chiites alors qu'ils sont les ennemis du prophète et de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que leur vrai nom, c'est les Rawafid. En arabe, on dit Rafada. Rafada, il a refusé. Les Rawafid, les refuseurs, ils n'acceptent pas. Vous savez qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté de Al-Hassan ibn al-Ali ibn al-Hussein. Ils n'ont pas accepté de lui de quoi? Qu'ils disent Rahimahullah, ou qu'ils disent Radiallahu ta'ala anhum. On lui a demandé, que penses-tu de Abu Bakr ou Omar? Il a dit Radiallahu ta'ala anhuma. Ah, quand il a dit Radiallahu ta'ala anhuma, que Allah ta'ala les agrée, ils se sont énervés et ils l'ont refusé. Ils l'ont dit, on l'accepte pas. Depuis ce jour, on les appelait les Rawafid, les renieurs. Naam, les renieurs, ils ont renié. Naam, subhanallah al-azim. Ces temps-ci, cette semaine, ou ça fait 10 jours, je suis en train de remarquer, et attendez, je remarque maintenant, naam, il y a une salle maintenant qui a ouvert ces jours-ci, elle s'appelle Ahlul Bayt. Je la vois maintenant en face de moi, il y a 11 personnes à l'intérieur, 11 personnes. Naam. Si vous pouvez, naam, quand quelqu'un peut, il rentre dans cette salle juste pourquoi? Pour montrer aux pauvres qui sont des nouvelles recrues et qui rentrent dans cette salle et qui croient que c'est ça la sunna, c'est ça l'islam, c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala est son prophète. Naam. Alors s'il peut parler en PV à certains gens, à certaines nouvelles personnes, il leur dit attention, pardon mon frère, pardon ma soeur, tu sais que est-ce que tu es chiite? Peut-être qu'elle va te dire non, je suis chiite, tu es chiite, tu me regardes ça. Naam. Mais je ne le conseille pas tout. Pourquoi? Parce que si tout le monde rentre dans cette salle, alors ça va croire qu'ils sont nombreux. On dirait, on est mashallah. D'habitude, on ne dépasse pas. Cette salle ne dépassait pas 5 personnes. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a 11 à l'intérieur. Naam, ils sont en train de pêcher. À chaque fois, ils pêchent une personne ou les deux et ils les égarent. Ul'iyadu billah. Naam. C'est pour ça que Wasmu Da'wa Paltok n'a pas mis cette salle dans les salles dangereuses. Alors que c'est l'une des salles dangereuses qui a ouvert cette semaine à A'udhu Billah. Tayyib, je disais quoi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2860. Rafadouni. Naam. Zayd, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rafadouni. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont renié. Alors il fut rappelé les Rawafid. À partir de ce jour, appelé les Rawafid. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Rafadou. Ils ont renié, ils ont refusé, ils ont rejeté. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Beina ana na'im. Alors que j'étais en train de dormir, ra'aytu an-nasa yu'raduna 'alayya. J'ai vu les gens en train de s'exposer à moi. Naam. Les gens venaient en moi. En s'exposant. Wa alayhim qumus. Et ils portaient des qamis. Qumus. Portaient, comme on dit nous maintenant en français, disons des. Vous savez qu'est-ce que c'est le qamis, hein? Vous savez qu'est-ce que c'est le qamis? Comme est l'homme. Naam. Minha ma yiblughu thudi. Naam. Minha ma yiblughu thudi. Maintenant, les vêtements que ces gens portaient, certains arrivaient jusqu'au sein. Certains arrivaient jusqu'au sein. Et d'autres descendaient plus bas. Naam, descendaient plus bas. Quand on commence du haut, on fait rentrer un vêtement du haut. Des fois, il arrive seulement au cou. Des fois, il descend un peu au-dessus des seins. Des fois, les seins. Des fois, plus bas que les seins. Et ça descend. Ensuite, il a dit. Ensuite, j'ai vu dans le rêve, j'ai vu qui? Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Naam, la poitrine. Naam, jusqu'à la poitrine. En arabe, je voudrais seulement faire une petite remarque. En arabe, on dit le sein pour l'homme et la femme. En arabe, ce n'est pas aïb en arabe de dire le sein en ce qui concerne l'homme et même la femme. Mais même l'homme en arabe, on dit le sein. Comme ça, en arabe, le hadith il est dans le Bukhari. Je disais, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qui? A vu Omar ibn Khattab avec un. Naam. Mais comment qu'était l'habit de Omar ibn Khattab? Il a dit Wa alayhi qamisun yajurruhu. Il avait un qamis qui était tellement long qu'il le traînait derrière lui. Subhanallah al-Azim. Tellement long qu'il le traînait derrière lui. Alors ils ont dit Fama awwaltahu ya Rasulullah. Comment interprètes-tu ce songe ya Rasulullah? Il a dit ad-din. Je l'interprète comme quoi? Comme c'est la piété, la religion. Donc on prend de ce hadith et de celui d'avant que celui qui se voit en train de boire du lait, c'est de la science. Et celui qui se voit habillé avec quelque chose de long, c'est la piété. Car en fait, dans le songe, plus on se voit couvert, habillé et bien couvert, plus ça veut dire que notre dîn est bien. Religion, notre piété est bien. Et plus dans le songe, quelqu'un se voit découvert, ça veut dire que il manque de piété. Maintenant, s'il se voit tout nu, s'il se voit tout nu, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Et s'il se voit seulement avec les vêtements intérieurs, c'est aussi grave, mais c'est moins grave que nu. Et comme ça. Et plus il se voit habillé, plus masha'Allah, plus il se voit découvert, plus c'est a'oudou billah. Et surtout, s'il se voit dans le songe, qu'il a découvert ses parties intimes. Ça veut dire que quoi ? Que il est en train de faire des fautes, il doit yani, se faire des calculs et bien méditer quelles sont les fautes qu'il est en train de faire. Quelles sont les fautes qu'il est en train de faire. Naam. Remarquez une chose, quand on est éveillé, pas quand on dort, quand on est éveillé, si un homme met des vêtements qui se traînent derrière lui, ça veut dire qu'il est enclin à être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'homme, il lui est interdit de s'habiller avec quelque chose de long qui descend plus des chevilles. Alors qu'en est-il s'il va traîner quelque chose derrière lui? Ça c'est quand il est éveillé. Mais dans le songe, ça n'a rien à voir. Dans le songe, c'est le contraire. Dans le songe, si un homme se voit habillé de court, plus c'est court, plus il n'y a pas de foi, plus la foi est faible. Et plus c'est long, plus la foi est bien. Regardez le contraire entre quand on est éveillé et quand on est en train de dormir. C'est pour ça, on va dire autre chose. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pour ça que ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut quoi? Qui peut interpréter les rêves. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Il faut vraiment avoir de la science pour interpréter les rêves. Naam. Imaginez que quelqu'un qui n'a pas de science, juste un peu de science, on va lui dire, je me suis vu dans le songe en train de, avec un habit long. Si c'est un homme, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, toi donc tu fais des péchés. Naam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'habit ne doit pas descendre au-dessus des chevilles. Et toi, puisque tu t'es vu avec un kamis qui traîne derrière toi, donc tu dois te revoir. Sûrement que tu fais beaucoup de fautes. Hein? Il peut dire comme ça. Pourquoi il n'a pas d'aine? Il ne sait pas que c'est le contraire. Nous, on a su que c'est le contraire. On a su que c'est le contraire parce qu'il y a un hadith qui a dit cela. Donc si on n'a pas de science, on ne peut pas traduire et interpréter les rêves. Il faut avoir beaucoup de science dans les rêves pour les interpréter. Naam. Et vous connaissez l'histoire qu'on raconte, que quelqu'un était assis avec quelqu'un qui était connu pour être quelqu'un qui interprète les rêves. Naam. Une personne est rentrée et elle a demandé à ce savant. Elle lui a dit, je voudrais que tu m'interprètes mon rêve. Tayyib, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai entendu l'adhan dans le rêve. J'ai entendu l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tayyib. Il lui a dit, toi, Inch'Allah ta'ala, tu vas aller au Hajj. Tu vas aller au Hajj. Il lui a dit, Shukran, Jazakallahu khayran, Barakallahu fik, Ahsan Allahu ilik. Il est sorti. Ensuite est rentrée une deuxième personne. Salam alaikum, salam Allah. Je voudrais que tu m'interprètes mon rêve. Tafadhal, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, dans le songe, j'ai entendu l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah, l'adhan. Tayyib. Il lui a dit, je te conseille de faire le repentir. Naam. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de péchés. Je te conseille de faire le repentir. Il lui a dit, Jazakallahu khayran. Fait qu'il est parti. La personne qui était assise a demandé à ce savant. Elle lui a dit, Subhanallah, deux personnes t'ont raconté le même songe. Au premier, tu as dit, tu vas aller au Hajj, Masha'Allah. Au deuxième, tu lui as dit de faire le repentir. Comment ça? Il lui a dit, Na'am. La première personne, quand elle est rentrée, et je l'ai vue, Allah, avec le qamis, je sentais le musc, Masha'Allah, la barbe, le visage illuminé. Je me suis rappelé quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج quand Allah Ta'ala dit Ibrahim et appelle les gens appelle fais le adhan aux gens pour qu'ils viennent au hajj alors j'ai attaché le adhan avec le hajj car Allah Ta'ala dit fais le adhan aux gens pour qu'ils viennent au hajj mais quand le deuxième est rentré et j'ai vu comment qu'il était habillé et le visage tout noir et l'allure, il avait l'allure d'un criminel. Subhanallah al-Azim, le criminel, dès que tu le vois, tu vois le, yani comment son visage noir, etc. Noir de plein de péchés. Il a dit, alors, quand il m'a dit le adhan, il a vu le adhan, alors je me suis rappelé quand Allah Ta'ala a dit dans le Coran, quand il parlait de Sourate Yusuf, wa adhana mu'adhinun ayyatuha al-'airu innakum lasariqun. Allah Ta'ala a dit, et ensuite, quelqu'un a fait le adhan, qu'est-ce qu'il a dit dans le adhan? Attention, il y a ici un voleur. Attention, il y a quelqu'un qui a volé. Il y a quelqu'un de la caravane ici qui a volé. Donc le adhan ici a été attaché en relation avec qui? Avec le vol. Et le premier adhan était en relation avec le hajj. Et ça dépend des personnes. Donc vous voyez comment yani, on interprète les rêves. Ce n'est pas facile pour vraiment avoir de la science pour interpréter les rêves. Et l'imam Malik rahimahullah, a entendu quelqu'un en train d'interpréter les rêves. Il lui a dit écoute, tu joues avec le wahy, tu joues avec le wahy, tu es la science. Naam, le songe qui vient d'Allah, c'est une révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne reste plus rien de la révélation. Il a dit, sauf le songe d'Allah. Le songe d'Allah, c'est un des rameaux de quoi? De la prophétie. Vous savez, quand Allah Ta'ala choisit quelqu'un pour qu'il fasse de lui un prophète ou un messager, il lui donne des choses, des conditions, il va les remplir. Entre autres, il lui donne quoi? Il lui donne entre autres, par exemple, qu'il a toujours le beau songe. Il a toujours le beau songe. Naam, il l'a. Nous, on peut l'avoir, on peut ne pas l'avoir. Mais les messagers, quand ils voient quelque chose dans le songe, elle est toujours vraie. Donc, on ne peut pas jouer avec le beau songe et l'interpréter comme on veut. Mais on doit l'interpréter d'après le Coran et d'après la Sunna. Ce n'est pas, je ne connais rien dans les songes et je vais expliquer aux gens. Je vais leur dire, tu as vu ceci, ça veut dire cela, tu as vu ceci, ça veut dire... Comme maintenant, les gens ont fait de cela un gain pour rentrer de l'argent. Ici au Koweït, on a quelqu'un, tu lui téléphones, il est, je ne sais pas combien, 12 heures sur 24 ou 16 heures disponible. Tu téléphones, il prend. Assalamu alaikum. Alors qu'est-ce que tu as vu? Tu dis, hier je me suis vu dans une voiture rouge, on est parti du côté de là-bas. Direct il te donne, bon la voiture rouge, ça veut dire c'est le sang qui va couler, puisque tu es parti à gauche c'est Jahannam et à droite c'est le paradis, toi tu es allé à gauche, donc tu vas mourir, tu vas aller à Jahannam, donc je sais pas, il commence à dire n'importe quoi. Naam, maintenant il y a des gens comme ça. Subhanallah al-Azim. Il y a d'autres qui viennent à la télévision, il est là, mashallah. N'importe quoi. Il a l'interprétation. Tu lui dis, j'ai gratté ma main. J'ai gratté ma tête. Il va te dire, ça veut dire ceci. Je me suis mouché, ça veut dire ceci. J'ai craché, ça veut dire cela. Naam. Mon oreille m'a fait mal, ça veut dire cela. Ma dent, ça veut dire cela. Mes yeux, ça veut dire cela. Et comme ça. Naam. Ensuite, toutes les couleurs. Tu étais habillé en quoi? En bleu, ça veut dire ça. En rouge, ça. En noir, ça. En vert, ça. En marron, ça veut dire ça. Naam, ils ont tout. Ensuite, tous les animaux, tous les insectes. La fourmi, le papillon, l'abeille, la grenouille. Tout ce que tu lui dis, il va te dire, ça veut dire une chose. Allah al-Musta'an. Juste pour prendre l'argent des gens, ou pour être connu à la télévision, mashallah. Même si je mens, je dis n'importe quoi, l'essentiel, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, des fois quand il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'entendait interpréter le rêve, il lui disait, ya Rasulallah, laisse-moi essayer. Il lui dit, essaye. Et il interprète à sa place. Quand il terminait, que lui disait le prophète alayhi wa sallam? Il lui disait, tu as dit juste d'un côté, et de l'autre tu as dit faux, tu t'es trompé. Hada Abu Bakr Siddiq, et il se trompe des fois, il ne sait pas comment interpréter. Il vient celui-là, il interprète tout et il ne se trompe jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait un livre qui était très très très très connu dans les songes. Il s'appelle L'interprétation des songes de Ibn Sirin. Ibn Sirin. Les ulémas ont dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce livre, ce n'est pas Ibn Sirin qui l'a écrit. Ce sont des gens qui l'ont écrit pour le vendre et faire le compte, c'est tout. Naam, ils l'ont rempli à l'intérieur de mensonges, ils disent n'importe quoi et ils l'ont appelé Ibn Sirin. Pourquoi? Parce que Ibn Sirin était l'un des grands savants qui savait interpréter les rêves. Alors les gens ont profité. Ils ont dit, puisqu'il savait tellement interpréter, on va écrire un livre et on va dire c'est lui qui a écrit ce livre. Et vous trouvez les gens qui n'ont pas de haine, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour avoir ce livre. Et ils sont là tout contents. Je te dis, écoute, moi j'ai le livre de Ibn Sirin, mashallah. Ibn Sirin, naam. J'ai le livre, les interprétations de Ibn Sirin. Ibn Sirin, je l'ai écrit. Il est très vendu en France. Cheft, il est très vendu. Abdul Ghani, achète 100 ou 200 et va dans les endroits où il y a beaucoup d'ignorance et tu les vends. Tu vas faire rentrer beaucoup d'argent. Achète 200 ou 300 et va dans les endroits où il y a beaucoup d'ignorance. Ne va pas où il y a la sunna. Ne va pas où il y a les jeunes, mashallah, les salafiyoun et les salafiyettes. Va du côté du Soudan ou là, hein, le Congo, là-bas en Afrique, tu vas devenir millionnaire. Mais, dommage, tu seras millionnaire, mais c'est pas la peine que je te dise si tu meurs où tu vas aller. Tu connais la réponse, hein? Naam. Je préfère être pauvre plutôt que de m'enrichir pour aller à Jahannam. Naam. Je reste pauvre et je ne m'enrichis pas pour me trouver en fin de compte à Jahannam. Wal'iyadu billah. Tayyib. Ensuite, revenons à autre chose. Naam, autre chose. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que les Rawafid disent il est kuffar, il est kafir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que quoi? Qu'il avait du ilm, de la science, et qu'il avait quoi? Et qu'il avait du din, de la piété. Naam. Il a joint entre deux choses, le din et la science. Pourquoi? Car on peut avoir le din, la religion, la piété, très pieux, et ne pas avoir de science. Naam. On peut craindre beaucoup Allah Ta'ala et pleurer toute la nuit, mais tous les hadiths qu'on dit sont faibles. On le dit. C'est malheureux. Et ces gens-là qui sont pieux, mashallah, et qui n'ont pas d'ilm, sont en un sens dangereux. Dangereux pourquoi? Quand ils parlent dans le din. Parce que les gens voient quoi? Les gens voient leur piété. Mashallah, ils n'arrêtent pas de pleurer quand ils font la prière. Ils n'arrêtent pas de jeûner. Tous les jeudis, tous les lundis, mashallah, il a de l'argent pour sa billah. Et il n'a pas d'in. Il croit que, étant pieux, alors tout ce qu'il dit, c'est ça le din. Naam. Et la deuxième sorte, c'est qui? C'est ceux qui ont la science et n'ont pas le din. Ceux-là sont plus graves. Ça s'appelle un zindiq. Quelqu'un qui a le din, mais il n'a pas quoi? Qui a la science. Et tout le Coran et il apprend beaucoup de hadiths mais il ne pratique pas, c'est un zindiq. Celui-là c'est plus grave. Quand il commence à parler de din, personne ne parle mieux que lui, et quand tu vois ses actions, elles sont les plus mauvaises. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de ces deux sortes, Donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a joint entre les deux. C'est pas moi qui témoigne de lui, c'est le prophète en personne qui a témoigné, qui l'a dit, qu'il avait la science et qu'il avait le din, la piété, masha'Allah ta'ala. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans Tirmidhi, il se trouve dans Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani, et il a dit hadith authentique. Vous savez qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, s'il y avait un prophète après moi, il serait alors Omar ibn Khattab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit une chose pareille sur une personne. Jamais. Il a dit, s'il y avait quelqu'un qui serait après moi prophète, mais il n'y en a pas bien sûr, il a dit, il sera Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et pourtant, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était plus savant que lui, avait plus de science que lui. Naam. Mais Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait une chose que tous les autres n'avaient pas. Quelle est cette chose qu'il avait que les autres n'avaient pas? C'était un muhaddath. Vous savez qu'est-ce que c'est un muhaddath? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas une nation où il n'y a pas de muhaddath. Et s'il y a un muhaddath dans ma nation, c'est Omar ibn al-Khattab. Non. Vous savez que ça veut dire un muhaddath? Un muhaddath, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se parle, non, c'est pas muhaddith. Attention, muhaddith avec i. Moi je parle avec A, muhaddath, A. Attendez, je vais l'écrire pour que vous ne trompiez pas. Parce que si Abdul Ghani n'avait pas écrit, j'aurais pas parlé. Muhaddath. Oui, muhaddith. Voilà, muhaddith. Celui-là, c'est ça a rapport avec le hadith. Muhaddith, quelqu'un qui apprend beaucoup de hadith, qui raconte les hadiths, on dit muhaddith. Maintenant, on parle de muhaddith. Vous remarquez avec I, D et muhaddith. Maintenant, on parle d'autre chose. On parle de muhaddith. A, D-A. Muhaddith au lieu de muhaddith. Vous savez que ça veut dire muhaddith, comme Omar ibn Khattab. Un muhaddith, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se parle en son cœur, il dit quelque chose, elle s'exauce. Peut-être qu'on peut dire en français, peut-être, hein, quelqu'un d'intuitif. D'intuitif, il a beaucoup d'intuition. Le sixième sens. Il dit quelque chose dans son cœur, il va se passer. Telle chose va se passer, elle se passe. Subhanallah al-Azim. Omar ibn Khattab avait cette chose. C'était spécial. Vous savez, 15 fois, je dis bien 15 fois, avant que le Coran ne descende, Omar ibn Khattab disait la chose, le Coran descendait comme disait Omar ibn Khattab. Naam, une très grande inspiration. Très grande inspiration. Ça vient d'où? Il faut vraiment être pieux et vraiment avoir un cœur, yani safi, saint, pur. Et je ne sais pas si on peut arriver à ce statut. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, 15 fois, il dit une chose, le Coran descend d'après la chose qu'il vient de dire. Je donne un exemple. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, quand ils ont fait le Hajj, autrefois, on tournait, c'est tout, 7 fois, et on faisait pas les 2 rak'at devant Maqam Ibrahim. Vous savez que quand on tourne autour de la Kaaba 7 fois, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 rak'at qui s'appellent devant une chose qui s'appelle Maqam Ibrahim, l'endroit de Ibrahim. Donc, autrefois, on tournait seulement 7 fois. Omar ibn Khattab a dit, et si on faisait ici 2 rak'at? Et si on faisait ici 2 rak'at à cet endroit? Quand il a dit cela, Allah Ta'ala a fait descendre le verset. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. Et prenez de cet endroit de Ibrahim un musalla et faites 2 rak'at. Subhanallah al-Azim. Le fait que Omar a dit ça, Allah Ta'ala a fait descendre un verset dans sourate Baqara. Il a dit, et prenez de cet endroit-là et faites 2 rak'at. Subhanallah. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu est rentré, quand il rentrait dans les pour parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait ses femmes avant que le hijab ne descende, avant que Allah azza wa jalla ne dise au prophète, dis à tes femmes de se voiler. Il rentrait, il parlait, il les voyait, elle le voyait. Ensuite, Omar ibn Khattab s'est dit, il a dit, Ya Rasulallah, voilez tes femmes. Et si tu voilais tes femmes, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sont bien, pervers qui rentrent. Et ils vont et ils voient tes femmes. Quand il a dit cela, a envoyé Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un verset où il lui dit, Ya ayyuha an-nabiyyu, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سبحان الله العظيم. Dès que Omar a suggéré au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il dise à ses femmes de se voiler, Allah Ta'ala a fait descendre le verset du voile. Le verset du voile. Ô prophète, dis à ta femme et à tes filles et aux musulmans de se voiler. سبحان الله العظيم. Parce que Omar a dit cette chose. Naam. Une fois, l'un des plus grands hypocrites, ou bien le plus grand hypocrite au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand hypocrite au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Ubay ibn Salul, est mort. Et bien sûr, quand il était vivant, il disait La ilaha illa Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, il voulait montrer qu'il était croyant musulman. Mais Allah Ta'ala sait qu'il mentait et qu'il était kafir et hypocrite. Alors quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire la salat sur lui. Il a dit, moi, je ne suis pas obligé d'ouvrir les cœurs des gens pour voir s'il était sincère ou pas. Je l'ai entendu plusieurs fois dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je le voyais à la mosquée faire la salat. Pour moi, c'est un musulman. Il allait faire la prière sur lui. Quand il s'est préparé pour faire la prière, Omar ibn Khattab l'a retenu. Lui a dit, Ya Rasulallah, innahu munafiq. C'est un hypocrite, ne fais pas la salat sur lui. Ensuite, le prophète Islam l'a repoussé un peu. Il allait dire Allah. Ensuite, Omar ibn Khattab le tire. Lui dit, Ya Rasulallah, c'est un hypocrite, ne fais pas la salat sur lui. Ensuite, le prophète Islam le pousse et il dit Allahu Akbar. Et il fait la prière sur lui. Quand il termine la prière, Jibril alayhi salam arrive avec un verset. Qu'a dit Allah Ta'ala dans ce verset? Il lui a dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Et ne fais jamais la prière sur quelqu'un d'eux qui meurt. Jamais. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Et ne te mets jamais debout devant sa tombe. نعم. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Subhanallah al-Azim, en parlant de celui-là, Allah Ta'ala a donné raison à qui? À Omar ibn Khattab. Il lui a dit Naam, ne fais pas la prière sur lui, ne te mets pas debout devant sa tombe, c'est un hypocrite, c'est un kafir. Subhanallah al-Azim. Donc Omar ibn Khattab avait cette particularité, à part la science et le din, avait la particularité d'être inspiré, et que quand il disait une chose, Subhanallah al-Azim, cette chose venait comme il avait pensé. C'est très rare de trouver des gens comme ça. Et Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu a fait une chose que jusqu'à présent, de nos jours, les savants eux-mêmes sont restés yani, étonnés. Ils n'ont pas trouvé quelle est la solution de cette énigme. Quelle est la solution? Vous savez qu'a fait Omar ibn Khattab une chose? Ça rentre aussi avec l'inspiration. Non, mais ça rentre aussi avec ce que je disais, c'était un muhaddith. C'était un muhaddith. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Une fois, il a envoyé des gens faire une bataille. Supposons que il les a envoyés, par exemple, à 50 km ou là 100 km ou là 200 loin de Médine pour faire une bataille, et lui il n'est pas parti. Il était sur le mimbar en train de faire le prêche du vendredi. Suivez bien ce que je vais dire, c'est quelque chose d'étonnant. Il est sur le mimbar en train de faire le prêche. Oh vous les croyants, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire la salat, il faut ceci. Il faisait le prêche. Ensuite, il s'arrête du prêche et il dit comme ça, à voix haute, Ya Seri al-Jabal, Ya Seri al-Jabal, Ya Seri al-Jabal, il commence à crier de voix haute. qu'est-ce qu'il dit? Oh, Saria, cette personne, Nam, c'est une personne, il dit, Al-Jabal, Saria, ou bien c'est le nom d'une personne, ou bien c'est le nom du groupe qui a envoyé, ça s'appelle Saria, Nam. Il a dit, Al-Jabal, mais je crois beaucoup plus c'est une personne. Al-Jabal, c'est-à-dire la montagne. Subhanallah al-Azim. Et il a continué à faire le prêche. Quand il a terminé le prêche, les gens sont, yani, l'ont entouré pour s'enquérir. S'enquérir de qu'est-ce qu'il a dit. On n'a pas compris. Tu étais en train de faire le prêche et voilà, tu t'arrêtes et tu commences à crier Seria, Seria, tu nommes quelqu'un. Ensuite, tu lui dis la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas compris. Naam. Subhanallah al-Azim. Quand il était sur le minbar en train de faire le prêche, quelque chose dans son cœur, une chose très forte, un sentiment très fort, lui a fait sentir que les gens qu'il a envoyés dans la bataille, ils étaient dans une situation vraiment difficile où l'ennemi allait sauter sur eux. Alors il a appelé le chef du groupe de Seria, il lui a dit, Seria, attention, mets-toi contre la montagne, mets ton dos contre la montagne pour que l'ennemi ne te vienne pas de derrière. L'ennemi, ne laisse pas l'ennemi venir de derrière la montagne, attention. Yani, mets ton dos contre la montagne. Subhanallah al-Azim. Quand les compagnons sont revenus de cette bataille, ils sont allés remercier. Omar al-Khattab lui a dit à la série, Wallahi, si ce n'était pas toi qui nous avais dit, car on t'avait entendu parler, Naam, de l'abti, on a entendu ta voix quand tu nous disais, attention, mettez-vous contre la montagne. Wallah, si on n'avait pas entendu ta voix, ce jour-là, on aurait tous péri. Subhanallah al-Azim. Dites-moi, maintenant je vous parle à vous qui êtes en train de m'entendre. Comment vous expliquez ça? Maintenant, on appelle ça à peu près. Attendez, si je n'oublie pas. Comment ça s'appelle ça? Yani, j'allais dire magnétisme, c'est pas magnétisme. Ça a un nom, je l'ai oublié. Ça a un nom. Quelque chose qui se termine par fili comme ça. Télépathie, naam, télépathie. Subhanallah al-Azim. C'est ce que je cherchais. Subhanallah al-Azim. Télépathie. On parle avec quelqu'un qui est de loin, il nous entend. Qu'est-ce qu'il avait Omar radiallahu ta'ala dans son cœur? Comment une phrase, comment un son peut arriver à des centaines de kilomètres et les gens l'entendent? Ensuite, comment je sais que ces gens-là sont dans un embarras et dans un problème pour que je les appelle de loin? Ensuite, ça c'est autre chose aussi. Subhanallah al-Azim. C'était vraiment une personne étrange. Naam. طيب. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, a dit, donc vous voyez, on est toujours dans les songes, hein? On est toujours dans les songes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Baina ana na'im, alors que j'étais en train de dormir, dans un autre songe, alors que j'étais en train de dormir, ra'aytu fi yadi siwarayn min dhahab, j'ai vu dans mes mains deux bracelets en or. Fa ahammani sha'nuhuma, alors yani, ça m'a travaillé un peu. Yani, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces deux bracelets en or qui sont dans mes mains? Naam. Fa awha ilayya fa ufil manam, alors Allah Ta'ala m'a révélé dans le son, il m'a révélé pour m'expliquer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Allah Ta'ala m'a dit, Anfirhuma, souffle sur ces deux bracelets. Fanafartuhuma fatara, j'ai soufflé sur les deux bracelets, ils se sont envolés. Subhanallah al-Azim, ils se sont envolés. Alors, on lui a dit, bien sûr, comment tu interprètes ce rêve? Comment tu interprètes ce songe? Tu te vois avec deux bracelets d'or, tu souffles sur les bracelets, ils s'envolent. Naam. Si c'était d'après vous, et je vous aurais posé cette question, quelqu'un, la voisine, le voisin, vous aurait posé cette question, J'ai vu deux bracelets d'or dans ma main. Naam. Ensuite, j'ai soufflé sur eux. Ils se sont envolés. Comment vous les aurez interprétés? Tayyib. Abdul Ghani, dis-moi comment tu interprètes cette chose. Et Oum Ishaq, dis-moi comment tu interprètes ce rêve. Naam, j'ai soufflé sur deux bracelets en or. Ils se sont envolés. Tayyib, Abdul Ghani n'est pas avec nous. Je vois que il n'est pas avec nous dans la salle. Naam. Tayyib. Alors, qui n'a pas le point rouge? Oum Ishaq et Ourt Salafia. Il a le point rouge, hein, Abdul Ghani. Où est-ce qu'il est, Abdul Ghani? Je le vois pas, il faut qu'il lève sa main. Sinon, je vais pas le trouver. Tayyib. Abdul Ghani, je t'ai enlevé le point rouge. Je t'ai enlevé, Inch'Allah ta'ala, le point rouge. C'est quoi l'interprétation de ce rêve? C'est quoi l'interprétation de ce rêve? Tayyib, tu es sorti de... J'avais pas de connexion. Khalas, pour ne pas perdre de temps. Pour ne pas perdre de temps. Ma'alish. Tayyib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a payé la zakat. Naam. Il les a interprétés. Il a dit deux menteurs, ils viendront après moi. Bien sûr, les deux menteurs, ça veut dire des faux prophètes, des faux messagers. Les deux prophètes après lui, c'était Al-Aswad Al-Ansi et Musaylima, les deux menteurs qui sont venus après lui. Subhanallah al-Azim, si c'était nous, moi je me vois avec des bracelets d'or. Là, ma femme se voit avec des bracelets d'or. Le matin, elle va me dire, écoute, je t'annonce la bonne nouvelle. Naam, tfadli, on va devenir des richards. Masha Allah, qu'est-ce que tu as vu? Je me suis vu avec des bracelets en or. Masha Allah, on va devenir de grands richards. Masha Allah. Alors que, naam, si vous remarquiez, subhanallah al-azim, le mot zahab, نعم الذهب ذهب ذهب l'or en arabe en français l'or en arabe ذهب ça vient du mot ou plutôt ça vient du verbe ذهب qu'est-ce que ça veut dire ذهب en arabe ذهب qu'est-ce que ça veut dire en arabe ذهب il est parti نعم ذهب عمر إلى المدرسة. عمر est parti à l'école. Donc, ça a un rapport que on voit l'or, ça veut dire que ça va partir, ça va pas rester. C'est quelque chose qui part. Ça vient du ذهب. Ça vient du verbe partir. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'or en train de voler, il a su que quoi? Que provient de ذهب partir. Naam. Ça veut dire que ils vont pas rester. Naam, ils vont pas rester, ils vont partir. Naam, deux menteurs qui vont partir. Alors que la prophétie reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à de nos jours, il est avec nous. Avec nous avec quoi? Avec sa sunna, bien sûr. Il est mort, mais il est avec nous avec sa sunna. Pourquoi? Il n'est pas parti. Naam, il n'est pas parti. Mais les autres sont partis, sont enterrés avec leur ignorance. Naam, leur mensonge et tout ça, ils sont partis et les ont pris dans la tombe. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2863. Il a dit Baina Ayyub yaghtasilu 'uryanan. Alors que notre prophète Ayyub alayhi salam, nam, est-ce que quelqu'un de vous sait comment on dit Ayyub en français? Je sais que Yaqub c'est Jacob, mais Ayyub, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Hein? Ayyub, donc il change pas, c'est Ayyub. Naam. Il a dit pendant que Ayyub alayhi salam était en train de se laver nu, il était nu en train de se laver. Bien sûr, quand il se lavait nu, ce n'était pas devant les gens. Naam, je l'avais seul parce qu'il était pudique. Il était pudique. Job, naam. Il était pudique alors que les juifs se lavaient devant tout le monde nu. Alors il a dit, pendant que Yaqub alayhissalam était en train de se laver, kharra alayhi jaradun min dahab. Alors d'or, des sauterelles en or ont commencé à tomber du ciel, des sauterelles en or. Faja'ala Ayyub yuhthi fi thawbihi. Alors il a commencé à en prendre, les sauterelles qui tombaient par terre, il a commencé à en prendre et les mettre dans ses vêtements. Fanadaha rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé et lui a dit, ya Ayyub alam akun ughniyaka amma tara. Ayyub lui a dit, ne t'ai-je pas donné yani plus que ces choses, ne t'ai-je pas donné plus que ces choses. Il a dit, bala wa izzatik, si par Allah, si tu m'as donné comme ces choses et plus. Walakin la ghinan bi an barakatik. Il a dit, certes tu m'as donné ça, mais yani on ne peut pas, yani ne pas prendre des choses qui viennent de toi, on ne peut pas prendre des choses yani de ta bénédiction. Naam, des choses qui viennent de toi sont toujours bénies, on ne peut pas les refuser. Naam. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend de ce hadith que il est permis à l'homme et à la femme, bien sûr, quand ils sont seuls, je parle de ceux qui sont mariés, de se laver nus. Le prophète alayhi salam le faisait plusieurs fois avec ses épouses. Naam. Il est permis aussi à la personne qui est seule, la femme qui est seule ou l'homme qui est seul dans la salle de bain, parce que certaines personnes croient que ça ne se fait pas. Disent ça ne se fait pas. Non, ça se fait et ce n'est pas aïb. Et ce n'est pas aïb. Le aïb, c'est de sa aura aux gens. Mais quand je suis seul, ce n'est pas aïb. Car j'ai besoin de laver tout en moi, toutes mes parties, tout mon corps. Naam. Autre chose, Ayyub alayhi salam est resté malade combien d'années? Le plus juste, c'est qu'il est resté malade 13 ans. Naam. Il est resté malade 13 ans. Allahu Akbar. 13 ans, patient. Tout le monde s'est enfui de lui. Tous ses amis, tous ses voisins, toute sa famille, sauf sa femme. Naam. Sauf son épouse est restée avec lui. Sauf son épouse. Il est devenu non seulement très malade, mais encore très pauvre. Naam. Quand on est malade, on est alité, on ne peut pas sortir, etc. Qu'est-ce qui va si on a des on est riche, on a du commerce, on a, qui va s'en occuper? Personne. Donc il est devenu le plus pauvre du monde. Naam. Et le plus malade. Seulement, j'attire l'attention ici sur une chose très importante. C'est beaucoup de gens disent, avec ignorance bien sûr, que sa maladie, c'était des vers de terre, ce qu'on appelle les vers, qui sont sortis de tout son corps, au point où les gens s'enfuyaient de lui. À cela, je dis, craignez Allah Ta'ala et ne dites pas ce que vous ne savez pas. Ne parlez pas avec ignorance. Attention, vous dites quelque chose de grave sur un prophète. Ce n'est pas une personne simple. C'est un prophète et un messager. Vous dites sur lui des choses graves et vous parlez avec ignorance. Où as-tu trouvé cette chose? Est-ce qu'elle se trouve dans le Coran, ce que tu es en train de dire, ou bien ça se trouve dans un hadith sahih? Naam, ça se trouve pas. Car le fait de dire comme ça, naam, cela veut dire donc que les gens, naam, donc le fuient à cause des vers qu'il a, etc. Naam, quand quelqu'un a des vers et qu'il est sale à ce point, personne ne reste avec lui. Comment donc il va, c'est un messager, comment qu'il va parler aux gens du din, etc., si personne, yani, ne peut l'approcher parce qu'il est tellement dévers, etc. Tout cela n'est pas vrai. Ça s'appelle israéliyet. C'est venu, naam, des juifs qui sont rentrés dans l'islam, etc., ils ont ramené avec eux des choses qui ne sont pas vraies, comme cette chose. Mais le plus juste, c'est qu'il a été malade, tombé malade d'une maladie que seul Allah sait. Seul Allah sait quelle était cette maladie. Naam. Tayyib, déjà, Allah Ta'ala, lorsqu'il veut envoyer un messager, il l'envoie dans la plus belle image, avec le plus beau caractère et la plus belle image, pour que les gens, quand ils le voient, ils penchent vers lui, ils le respectent, etc. Maintenant, s'il y a un messager qui est très sale et qui a des vers et qui a ça, ça c'est pas un messager. Ça c'est pas un messager. Les gens fuient de lui. Vous voyez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il était beau? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui était plus beau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il vivait, il n'y avait pas. Non. Autre chose, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Allah Ta'ala lui a fait descendre du ciel des sauterelles en or. Masha'Allah. Regardez, des sauterelles en or. Imagine devant toi une sauterelle. La sauterelle qui est verte. Naam. Imagine maintenant, elle est en or, masha'Allah, et est en train de voler, briller comme ça avec le soleil, en or. Comment qu'elle doit être? Ça, il les a envoyés sur terre. Naam. Sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le paradis? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le paradis? Et comment doivent être donc les animaux et les insectes, etc., du paradis, subhanallah, comment qu'ils doivent être? Naam. Des sauterelles en or. Ça. Autre chose, regardez Ibrahim alayhi salam, il est tombé malade 13 ans et il était là, masha'Allah, patient, endurant. Il sait que cette chose est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala et que quand Allah ta'ala veut la lever, il la lève. Il veut l'enlever, il l'enlève. Il veut l'éloigner de lui, il l'éloigne. Et naam, après 13 ans, il a été guéri et Allah Ta'ala lui a rendu et sa santé et ses biens au point où des sauterelles d'or tombent du ciel. Ayoub, naam, est-ce que j'ai dit une autre chose? Naam, Ayoub, je parle d'Ayoub. Peut-être j'ai dit Yaqub, si j'ai dit Yaqub, je me suis trompé, je parle de Ayoub alayhi salam. 13 ans malade. J'ai dit Ibrahim, pardon, hein? Non. Ayoub alayhi salam, 13 années malade, il souffrait, il endurait, et voilà la récompense. Maintenant, alhamdoulillah, guéri, et en plus de ça, il lui a donné de l'or qui tombe du ciel. De l'or du... C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jama, que Allah Ta'ala a dit, c'est-à-dire hadith Qudsi, Allah Ta'ala a dit, qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah l'adhim, qu'a-t-il dit? Il a dit, si jamais je donne une maladie à quelqu'un et qu'il patiente et ne me plaint pas, ne se plaint pas de moi à ses visiteurs. Voilà la condition. Il patiente et il ne se plaint pas aux visiteurs. C'est-à-dire les gens, quand ils viennent le voir, comment vas-tu, etc., ils ne commencent pas à dire, eh, qu'est-ce que moi toujours malade, hein, tout le monde va bien sauf moi. Naam, tout le monde va bien sauf moi. Je ne sais pas pourquoi Allah Ta'ala me donne ces choses. Pourquoi il ne les donne pas à d'autres? Il y a d'autres qui méritent les maladies. Moi, je ne mérite pas. Moi, je fais la prière, je fais le jeûne, etc. Pourquoi il me donne cette maladie? Subhanallah al-Azim. Tu veux montrer à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu veux que ce soit toi qui lui montre comment il doit gérer? Subhanallah. Toi, tu lui préconises à qui il donne la maladie et à qui il donne la santé? C'est toi qui as créé les gens ou là c'est lui? Est-ce que moi je me suis créé? Si je m'étais créé moi-même, peut-être je n'accepterais pas la maladie d'Allah. Je vais dire, pourquoi il me donne la maladie? C'est moi je me suis créé. Pourquoi il me la donne? Et maintenant toi, c'est Allah Ta'ala qui t'a créé. Donc tu es son serviteur. Serviteur, il fait de toi ce qu'il veut sans être questionné. Sans le être questionné. il fait ce qu'il veut. Naam, quand quelqu'un, il a une bombe dans la maison et sa maîtresse lui dit, va laver la vaisselle ou bien va faire cette chose. Est-ce que la bonne a le droit de dire pourquoi on lave la vaisselle aujourd'hui? Pourquoi on ne laisse pas demain on lave la vaisselle? Pourquoi je lave les murs aujourd'hui? Aujourd'hui on lave pas les murs, on lave la voiture, pas les murs. Est-ce qu'elle a le droit? Elle ne doit pas le dire. Elle n'a pas le droit. Sinon, elle n'est plus la servante et l'autre n'est plus la maîtresse. Naam. Donc, Allah Ta'ala a dit, si je donne une maladie à quelqu'un et qu'il ne me plaint pas aux gens qui viennent le visiter, alors il a dit, je lui changerai un sang mieux que le sang qu'il a et une chair mieux que la chair qu'il a. Et je le libérerai de mon emprisonnement. Car quand il est malade, il est emprisonné. Emprisonné par la maladie. Il a dit, je lui ferai changer de sang, changer de chair, si on appelle ça la chair, l'âme, et je le ferai sortir de la prison de sa maladie. Ça veut dire, je le guérirai. Naam. Je le guérirai. طيب جاجوت ان شاء الله تعالى 10 مينوت اي جارت الى دي سي بين رجل بفلات من الارض alors qu'il y avait un homme qui marchait dans le désert. Ça c'est le prophète sallam qui est en train de nous raconter ces choses. Ces choses là on peut pas les connaître s'il y avait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses qu'on ne peut pas deviner, des histoires pareilles. Il a dit, pendant qu'un homme marchait dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَبَةٍ يَقُولُ اسْقِي حَدِيقَةَ فُلَانٍ. Cet homme, pendant qu'il marchait dans le désert, il y avait au-dessus de lui un nuage. Un nuage. Naam. Il a dit, il a entendu un son, ou le disons une voix sur le nuage qui disait, une voix qui venait du nuage, une voix qui disait, Isqi hadiqata fulan. Subhanallah al-Azim. Pour que vous compreniez bien, un homme marchait dans le désert, un nuage sur lui. Il entend une voix qui dit au nuage. Que dit la voix au nuage? La voix dit au nuage, Isri va arroser le jardin de X, en citant X. Par exemple, va arroser le jardin de Abdul Ghani 12. Va arroser le jardin de Abdul Ghani. Subhanallah al-Azim. Il a dit, Fatanaha dhalika al-sahab. Dès que le nuage a entendu cette voix, ou bien cet ordre qui lui a été donné, naam, il a pris une direction, hein, une certaine direction, et il est parti. Ska, arrivé dans un jardin, naam, le jardin qui lui a été désigné, bien sûr, et il a commencé à verser toute l'eau qu'il contenait. Le nuage a versé toute l'eau qu'il contenait. Naam. Il a dit, alors quand l'eau a commencé à couler, cet homme, naam, qui bien sûr suivait le nuage où il partait et où le nuage a fait couler son eau, il a remarqué qu'il y avait un homme à l'intérieur de ce jardin. Et puisque l'homme a vu l'eau tomber, mashallah, il est devenu bien sûr très content, il est devenu content. En plein désert, il y a de l'eau qui tombe du ciel. Il est devenu très content. Ensuite, il a commencé à arroser son jardin. Alors, l'homme qui marchait dans le désert est rentré dans le jardin. Et lui a dit, Ya Abdallah, masmouk, s'il te plaît, ô serviteur d'Allah, quel est ton nom? Je voudrais savoir quel est ton nom. Faqala, Fulan. Il a dit, Fulan, l'ism alladhi sami'a min fi sahaba. Il a dit je m'appelle X, exactement comme le nom qu'il a entendu au nuage. Au nuage, on avait dit que il y avait une voix qui a dit au nuage va arroser le jardin, par exemple de Abdul Ghani. Maintenant, quand il a demandé à cet homme comment tu t'appelles, il lui a dit je m'appelle Abdul Ghani. Subhanallah al-Azim. Faqal lima tas'aluni an ismi? Bon, je t'ai dit que je m'appelle Abdul Ghani, mais pardon, pourquoi me demandes-tu quel est mon prénom? Naam, pourquoi me demandes-tu quel est mon prénom? Il a répondu inni sami'tu sawtan fi as-sahab alladhi hadha ma'uhu yaqul isqi hadiqata fulan lismik. Il a dit j'ai entendu une voix dire à cette à ce nuage va arroser le jardin de X, et X c'est ton nom, subhanallah, X c'est ton nom. Fama tsna fiha. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire toi pour avoir yani une chose pareille? Il lui a dit amma idha qulta hadha. Bon, puisqu'alors tu as dit que ça s'est passé ainsi, tu as entendu une voix, etc. فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Donc moi, quand je plante, etc., ma terre, j'attends que la semence sorte. Ensuite, je divise la semence, ou la récolte, pardon. J'attends que la récolte sorte. Je divise la récolte en trois. Un tiers, c'est pour moi et ma famille. Le deuxième tiers, je le donne fi sabilillah. Et le troisième tiers, c'est pour la terre. J'achète les semences, etc. Naam. Tayyib, est-ce que vous avez le son pour voir si on est en train de m'appeler pour j'ai pas le son ou quoi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Cette personne, elle, quand elle semait, etc., elle prenait la récolte, elle la divisait en trois. Elle la divisait en trois. Une partie, elle donne fi sabilillah. Le deuxième tiers, pour l'homme et sa famille. Le troisième tiers, pour qui? Pour la terre. La terre aussi, elle a besoin yani, qu'on lui fasse l'aumône. On lui achète les médicaments, etc., tout ce qu'il faut pour la terre. Regardez quelqu'un qui, lorsqu'il a une récolte, ou là une somme d'argent, ou là, il laisse une part fi sabilillah. C'est ça le plus important. Cette personne, laissez-le un tiers fi sabilillah. Regardez quand quelqu'un fait de sa paye une partie fi sabilillah, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un nuage spécialement pour lui. Naam, le nuage en fin de compte, il est commandé par qui? Le nuage, il est libre d'aller où il veut. Le nuage, il est libre d'aller où il veut. Il va à Marseille et il donne la pluie au lieu d'aller à Nantes. Il est fou le nuage, il fait ce qu'il veut. Le nuage, il est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui donne l'ordre à tout l'univers, au vent, à l'univers, aux étoiles. Il donne les ordres. Il donne l'ordre à au nuage d'aller verser l'eau dans telle ville et non pas dans l'autre ville. Mais il a donné l'ordre à verser de l'eau à une et pas à toutes les autres. Subhanallah, parce que cette personne avait une en argent chaque mois ou à chaque récolte qu'elle donnait fi sabilillah. Celui qui donne une partie de son argent fi sabilillah, Allah Ta'ala ne le laissera pas. Naam. Naam, il ne donnera pas Allah Ta'ala aux autres, il donnera à cette personne quand elle est dans le besoin. Quand elle a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala et de son aide, Allah Ta'ala sera avec lui. Comme il a été avec cette personne, il lui envoie de l'eau spécialement pour elle et pas pour les autres. Ensuite, remarquez comment Allah Ta'ala, Allahu Akbar, comment Allah Ta'ala dans l'ordre au nuage en lui citant le nom de la personne. Allah Ta'ala nous connaît tous avec nos noms et nos prénoms. C'est lui qui nous a créés, comment il ne nous connaît pas? Il parle au nuage et lui dit va arroser X. Imagine toi quoi Kitab ou Sunna, Isa, et Mekan 11. Imagine, Allah Ta'ala dit au nuage, en t'appelant par ton nom, va arroser le jardin de Kitab Sunna. Va arranger le jardin de Isa 83. Allahu Akbar, il t'appelle par ton nom. Hein? Maintenant, si toi, on va te dire que, je ne sais pas qui, Sarkozy, on va te dire Sarkozy t'a appelé par ton nom. Il a dit, où est Isa 83? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Subhanallah, peut-être tu ne vas pas dormir la nuit. Lui-même, en personne, il a parlé de moi. Oh, il m'a cité, tu es sûr? Non, il t'a cité. Il a dit Abdul Ghani. Où est Abdul Ghani? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Allahu Akbar, il a parlé de moi. Hada, c'est une personne comme nous, faible. Une personne qui tombe malade et qui oublie et qui va aux toilettes. Qu'en est-il? Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle par ton nom et par ton prénom. Et il dit, va arroser X. Naam, naam. Il est chez moi à midi. Midi. Naam, il n'est pas midi, il est minuit. Il est minuit 30. Naam. Inch'Allah ta'ala, on se rencontre dans 10 minutes bi'idhnillahi ta'ala. Le temps que je vois quelle est cette personne qui est en train de m'appeler, je crois qu'on m'appelle du bled. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on se rencontre dans 10 minutes, Inch'Allah ta'ala. Naam, la fatigue commence. Est-ce que Coran Sunna, tu as le Coran? Coran et Sunna, tu t'appelles pas Coran et Sunna pour rien. Alors, mets le Coran. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Fais sorte, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdul Ghani, est-ce que tu as le micro? Naam, pour nous lire, ou là je vais chercher le frère qui nous lit avec d'habitude. Taïb, est-ce qu'il est là, le frère qui nous lisait, est-ce qu'il est là, Ibn al-Qayyim, est-ce qu'il est là? Je l'ai, Taïb. Ah, enfin, واحد منكم, خلاص. Là. Pas de problème. Taïb. Qu'est-ce que j'allais dire? D'abord, il y a un frère qui vient de demander, qui vient de dire que cela faisait une année qu'il est rentré en islam et que maintenant sa sœur veut rentrer en islam et qu'il ne savait pas, yani, il ne sait pas devant combien de sœurs la sœur doit faire la shahada. Devant combien de sœurs la sœur doit faire la shahada? La réponse, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a besoin d'aucune sœur pour faire la shahada. Et l'homme n'a besoin d'aucun frère pour faire la shahada. Seul dans la maison, seul dans la forêt, seul dans la voiture. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il est rentré dans l'islam. Pourvu que il sache c'est quoi le sens de ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'il sache qu'est-ce que ça veut dire ashhadu an la ilaha illallah et qu'est-ce que ça veut dire ashhadu anna muhammadan rasulullah. Naam. Et qu'est-ce qui m'attend après cela? C'est tout. Naam. Il n'a pas besoin qu'il y ait des témoins devant lui. Il n'a pas besoin qu'il y ait des témoins devant lui. Om Meysan, tafadlali. Ça ne fait rien. Lis Abdul Ghani, on essaye toi aujourd'hui. Lis. Tafadlal. Si tu veux toi une question, Ibn Qayyim une question. Lis, Inch'Allah, tafadlal. Une question. Comme ça vous voyez. Ibda Abdul Ghani, tafadlal. Là où il y a une figurine, les anges ne rentrent pas. J'ai acheté une peluche pour mon nouveau-né et j'ai retiré les yeux et la bouche sur le visage de la peluche. Cela suffit-il? Pour répondre, il faudrait que je comprenne d'abord. Pour répondre, il faudrait que je comprenne. J'ai lu là où il y a une figurine. Je ne sais pas que ça veut dire une figurine. Non. Je pense que c'est une image. Wallahu alam. Ça, ce mot me dit quelque chose, mais je l'ai oublié. Ça fait longtemps. Une image, genre de statue. Le visage de la peluche. Non. Ça vient de figure, ça. Visage, ça vient de figure. Taïeb, j'ai lu là une figure, les ongles, je ne rentre pas. Non. En fait, c'est là que je voulais dire. Pour ceux qui ont des animaux, etc. à la maison, un petit ours ou là un peluche ou là des choses comme ça. Et si on a enlevé les yeux et la bouche, etc. c'est moins grave que de le laisser ainsi, que de le laisser ainsi. Non, c'est moins grave. Mais on pourrait par exemple cacher sa tête. Non. Pourquoi? On la recouvrir. Hein? On peut par exemple recouvrir la tête pour que on ne voit rien de la tête. Ce qui serait mieux, bien sûr, serait de couper la tête. Ce qui serait mieux serait de couper la tête, mais ça ne sera pas facile pour l'enfant pour qu'il comprenne cette chose, bien sûr. Sauf si on lui dit que le peluche était malade et on lui a subi une opération chirurgicale. Non, mais il était malade, donc on lui a enlevé la tête parce que c'est grave. Il avait une maladie contagieuse dans sa tête. Non, entre parenthèses, je plaisante. Donc, ce que tu as fait, Inch'Allah Ta'ala, c'est c'est mieux. Non, c'est mieux que de le laisser ainsi. C'est mieux que de le laisser ainsi. Non. Wallahu Ta'ala A'lam. Non. Adam 2000, tafadhal. Et comme j'ai dit, comme a dit le prophète, il a dit, le sourat, il a dit sourat, c'est la tête. Il a dit sourat, c'est la tête. C'est-à-dire que la meilleure chose, c'est quoi? C'est bien sûr d'enlever la tête. Ou alors, si on ne peut pas l'ouvrir, l'enlever, on la couvre. Si on la couvre, c'est mieux aussi. Non. Tafadhal. C'est à qui le tour, Inch'Allah Ta'ala? Fiki barakallah. Adam 2000, tafadhal. Ya Adam, est-ce que tu es là? Adam, on attend ta question. Ya Adam, est-ce que tu es là? Taïe, peut-être que Adam n'est pas là. Non. Salam alaikum, cher Ahiyakallah. Pour le mauvais rêve, tu as bien fait de préciser qu'il fallait cracher sans émettre de salive. Car moi, la personne m'a expliqué, j'ai craché 3 fois, mais sur le visage de ma femme. Ma chambre était obscure. Elle était du côté gauche. On était à 2 doigts pour la convaincre d'acheter un livre qui mentionne ce hadith. Ma question est la suivante. Est-ce vrai que les gens qui rêvent d'un chien noir, c'est qu'ils ont un djinn, pas le pantalon bien sûr, dans le corps. Adam 2000, sûrement que Inch'Allah Ta'ala, non, sûrement que ils sont en train de rire parce que ça a dit, surtout que c'était dans un contexte où yani, c'était pas loin du divorce. Non, Qadar Allahumma shafa'al. Non, comme j'ai dit, on ne crache pas. Il y a un verbe que je connais pas, on le dit en français comme ça, à peu près c'est à peu près hein, poustillonner ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le verbe là. Non, c'est juste qu'on dit comme ça, poustillonne. Voilà, c'est ça. On dit comme ça. Vous m'entendez dans le micro, on dit comme ça. C'est-à-dire il y a de l'air. Il y a de l'air qui sort un peu humide. Un peu humide, c'est tout. un peu humide de salive. Ce n'est pas les crachats. Naam, ce n'est pas les crachats. Heureusement que le frère a eu l'idée d'acheter un livre pour lui montrer que quoi? Que yani, vraiment, yani, ce qu'il a fait c'est de la sunna et non pas qu'il voulait lui cracher sur la figure. Naam. La deuxième question, il a dit, est-ce que celui qui voit un chien noir, naam, c'est que cette personne a un djinn. Un djinn, il a dit, ce n'est pas le blue djinn, le djinn qui rentre dans les personnes. Naam. La réponse, le chien noir dans le rêve, c'est le djinn. Surtout, ceux et celles qui voient beaucoup les chiens, naam, voir beaucoup les chiens et les serpents dans les rêves, ce sont les signes du djinn et ça rentre aussi des fois dans la sorcellerie. Naam. Quand une personne est obsédée au point de voir presque chaque semaine, presque tous les 10 jours, le chien dans le rêve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle doit faire la ruqya bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Elle doit faire la ruqya bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Car, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le djinn se transformait beaucoup en quoi? En chien, chien noir, et en serpent. Et en serpent, naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minhajul haq tafaddal. Minhajul haq tafaddal. Je me suis trompé, je t'ai fait descendre. Tafaddal, tu n'as pas le point rouge. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Depuis qu'elle a accouché, une sœur a ses menstrues tous les 15 jours environ, alors qu'elle a habituellement un cycle de 28 jours. Elle est allée voir un gynécologue et celle-ci lui a prescrit une pilule contraceptive pour un traitement de 6 mois. Sa question est, sachant que la pilule a pour but de régler et l'aider à apaiser sa fatigue due à l'écoulement constant du sang, la sœur est anémique. Doit-elle prendre cette pilule? Par ailleurs, la gynécologue lui a dit que ce n'était pas pathologique, mais la sœur a 2 enfants en bas âge et fait de l'insomnie. Barakallahu fikum et qu'Allah vous préserve. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire que la gynécologue lui a dit que ce n'était pas pathologique. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas pathologique. طيب j'attends inchallah ta'ala la réponse. طيب ce n'est pas dû à une maladie. طيب qu'est-ce que ça veut dire alors que habituellement non, là je n'ai compris rien. Qu'est-ce que ça veut dire que alors que habituellement elle a un cycle de 28 jours. Qu'est-ce que ça veut dire elle a un cycle de 28 jours? Ça veut dire qu'elle reste, 28 jours purifiée, ensuite elle a 2 jours des menstrues, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire elle a un cycle de 28 jours? Abdul Ghani, elle a ses menstrues tous les 28 jours. Subhanallah al-Azim. Donc elle a les règles seulement 2 jours par mois. Est-ce que je dois comprendre comme ça? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont seulement 2 jours? Des femmes dont les menstrues ne durent que 2 jours. Et alors, moi j'ai pas compris ça. Alors comment ça? Je n'ai pas compris. Ça veut dire donc que entre 21 et 28 jours. طيب منهج الحق tous les 28 jours elle a ses menstrues, ça. Ensuite quand elle a les menstrues, elle reste 4 5 6 jours, ça. Est-ce que c'est comme ça? Elle reste normalement yani 4 5 6 jours. Est-ce que c'est comme ça? Le مهم que elle reste 28 jours pour qu'elle lui vienne. Est-ce que c'est comme ça, Minhajul Haq? Elle reste 28 jours. Ah, tous les 28 jours, elle les a. Mais quand elle les a, elles sont normales, 5, 6, 4, 5, 6 jours, ça. طيب نعم elle veut savoir combien de temps les mois suivent l'autre qu'elle a accouché Allah et franchement j'ai pas compris la question attendez que je lise un peu en haut نعم attendez que je lise un peu elle a ses menstrues tous les 15 jours alors que habituellement elle les a tous les 28 jours Inam, où est le problème où est le problème elle les a tous les 15 jours elle les a deux fois par mois où est le problème je vois pas où est le problème خلاص maintenant elle s'est déréglée elle les a tous les 15 jours combat où est le problème puisqu'elle les, elle les a tous les 15 jours Dis-moi, Minajul Haq, où est le problème? Parce maintenant, elle a changé de cycle. Non, le problème, c'est la question. Est-ce que le problème, c'est ta question? Tu voudrais savoir si elle peut prendre la pilule? Est-ce que c'est question? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam, j'étais déconnecté. Minhajul Haq, es-tu là? Minhajul Haq, es-tu là? Est-ce que Minhajul Haq est là pour écrire numéro 1? Naam, Minhajul Haq, donc, si j'ai bien compris, cette sœur va prendre la pilule pour se régler. Elle est déréglée. Naam, si c'est seulement ça ta question... Naam, si la pilule a été donnée par un médecin et ce n'est pas elle qui l'a choisi de sa tête, un médecin qui sait, car les pilules il y a plusieurs sortes. Si le médecin lui a choisi la pilule convenable et qu'elle la prend comme médicament, ce n'est pas interdit, inshallah ta'ala. Naam, ce n'est pas interdit, inshallah ta'ala. C'est un traitement de 6 mois. Naam, elle l'essaye. Elle l'essaye, Inch'Allah Ta'ala, et elle voit, Inch'Allah Ta'ala, que ça donne. Naam, ce n'est pas interdit. C'est juste pour se soigner et se régler, et d'avoir des règles normales et comme d'habitude. Naam. Tayyib, sister, tafadlal. Sister, sister. Sister, es-tu avec nous, Inch'Allah? Sister, es-tu avec nous? طيب تفضلي الو j'ai posé la question non la question est seulement chez toi يعني elle s'est affichée chez toi نعم elle s'est pas affichée chez nous parce que elle est longue ta question est longue il faut pas qu'elle dépasse 5 lignes wa alaykoum salam wa rahmatoullah Naam, pour le frère auquel j'ai qui m'a envoyé la photo, en ce qui concerne la mosquée, j'ai demandé, enfin, j'ai voulu contacter les hommes de science, mais j'ai pas pu. Naam, cette semaine j'ai pas pu, peut-être par occupation pas de ma part, de leur part. J'ai pas pu. Mais d'ici, Inch'Allah Ta'ala, demain après-demain, j'aurai la réponse. Naam, d'ici demain après-demain, j'aurai la réponse. J'ai essayé avec le téléphone, mais je n'ai pas pu. Naam. Tayyib, lisez la question, Inch'Allah. Est-ce que c'est légiféré de le. Et à quel moment se fait-il? Avant ou après le roulokour? Alhamdulillah, pour le qunut du huître, naam, le imam lève les mains et les gens derrière lui lèvent les mains. Le imam lève les mains et les gens qui sont derrière lui lèvent les mains. Vous pouvez trouver ça dans le livre qui s'appelle Qiyam al-Layl, pardon, Qiyam Ramadan de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Vous trouvez ça aussi dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, Sharh al-Zad. Vous trouvez ça aussi dans son livre. Naam, Sharh al-Mumti', pardon. Naam. Ensuite, à quel moment on fait le Qunut? Naam. Le Qunut, dans la première partie du Ramadan, on le fait. Attendez pour que je me rappelle bien. Naam. On le fait après le Rukou'. Et dans la deuxième partie, on le fait avant le Rukou'. C'est-à-dire que naam, les 10 derniers jours, on doit faire le Rukou'. Après quoi? Yani quand on termine de lire. Naam, quand on termine de lire et avant de faire l'inclination. Naam. Et dans les premiers jours du Ramadan, on le fait après. Naam. Voilà en ce qui concerne le Rukou'. Islam 337, j'ai perdu ma place, j'ai déconnecté après Sister. D'accord, où est Islam maintenant? D'accord, on va donner à Islam, inshallah ta'ala, l'occasion. Tafadlali. Taïb, je ne vois aucune question. Je ne vois pas la question de Islam. Islam, j'ai le raid. Subhanallah al-Azim, chez moi tu n'as pas le raid. Moi je te vois sans le raid. Non, moi je vois Islam sans le raid. Pour être sûr, voilà, maintenant je vais lui donner le raid. Voilà, maintenant il a le raid. C'est écrit chez moi. Islam redoted by. Maintenant je lui enlève le raid. Voilà, remove raid. Maintenant Islam n'a plus de raid. Pour ceux qui n'ont pas, bon, pour ne pas perdre de temps, ce n'est pour, je répète pour la sœur si elle n'a pas compris, en ce qui concerne le doua du Rukou', on le fait quand on termine la lecture. On est en train de lire, ensuite on termine avant le Rukou', avant de dire Allahu Akbar pour l'inclination, on fait le doua. Naam. Si c'est les derniers jours, on le laisse après. On le laisse après le Rukou'. Quand on fait le Rukou', on se lève, on dit Sami Allah liman hamidah et on fait le doua avant de descendre. Naam. Tafadhal pour la lecture, inshallah. Wa alaykoum. J'ai des problèmes avec ma belle-mère. Elle croit que je manipule mon mari et que je l'éloigne de sa famille pour le rapprocher de la mienne et d'autres choses qui aurait pu entraîner des conflits entre moi et mon mari, voire même le divorce, si on n'avait pas une bonne communication entre nous. Alhamdoulillah. L'année dernière, suite à une dispute, elle ne nous a pas parlé pendant plus de 7 mois, durant lesquels je l'ai contactée à plusieurs... Et voilà. À plusieurs... Et d'autres personnes ont essayé de la raisonner, car elle avait complètement renié son fils. On est parvenu à une paix provisoire, puisque maintenant ça fait presque 4 mois qu'elle ne va pas nous voir, ni entendre parler de nous. On ne sait même pas pour quelle raison, sauf à ce qu'on a compris qu'elle croit que je vais mettre sa famille de côté et orienter mon mari vers la mienne. Je dis à mon mari qu'il faut aller la voir, ou au moins l'appeler, pour essayer d'arranger les choses. Mais il me dit que ça ne sert à rien, qu'elle va au contraire se renfermer encore plus. Ma question est de savoir si me conseiller, sachant qu'il n'est pas bon de rompre les liens de famille, et surtout pas pour mon mari, car c'est sa mère. Naam, les problèmes entre la femme et sa belle-mère ont existé depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mère et a créé la belle-mère. Naam, depuis que Allah ta'ala a créé l'épouse et la belle-mère. Taïb, maintenant, elle fait son possible pour yani, ne pas rompre les liens et elle fait son possible pour exhorter son fils à ce qu'il lui parle. Naam. Car elle, si sa belle-mère ne lui parle pas, ou bien elle ne parle pas à sa belle-mère, ce n'est pas tant grave que comme son fils qui ne lui parle pas. Parce que toi, si ta belle-mère ne te parle pas, ou toi tu ne parles pas à ta belle-mère, tu ne vas pas aller en enfer. Mais si son fils ne lui parle pas, c'est ça ce qui est grave. Donc toi, ton but c'est quoi? C'est d'essayer d'exhorter son fils pour qu'il lui parle, qu'il aille chez elle, qu'il lui téléphone, etc., qu'il lui fasse des cadeaux, etc., etc. Naam, c'est elle qui ne veut pas, elle est libre. Elle est libre, naam, elle fait ce qu'elle veut. L'essentiel, c'est que ton mari essaye de lui parler. Maintenant, quand elle lui décroche le téléphone, ou bien sur son visage, ou bien elle lui répond pas, ou bien elle l'insulte, ou bien tout ça, il doit l'accepter. Tout ça, il doit patienter et il doit l'accepter. Naam. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'essayer de faire quelque chose pour ne pas rompre les liens. Maintenant, quand j'essaie de faire quelque chose, cette personne ne veut pas de moi, ou bien ne me rend pas, ou là, tout ça, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est que devant Allah, j'ai fait mon devoir. Devant Allah, je fais mon devoir. Et celui qui veut, yani, alhamdoulilah, il veut, celui qui veut rompre les liens, c'est lui qui sera fautif, celui qui aura des comptes à régler demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce que je conseille. Je conseille à ce qu'elle pousse son mari à ce qu'il aille, etc. Et lui, bien sûr, il doit chercher les moments opportuns, les moments opportuns où yani, elle est bien et il part avec un cadeau, il part tout seul, c'est pas la peine de prendre sa femme avec lui, il part tout seul et comme ça, hein, jusqu'à ce qu'il épanche son cœur. Car quand la mère est énervée sur son fils et elle croit que son épouse veut le prendre, elle devient bien sûr jalouse. Alors ce n'est pas facile yani, d'épancher son cœur. C'est pour ça qu'il doit aller doucement, avec sagesse, et faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour que les liens ne se rompent pas. Naam. Makan 11, tafazzali ou tafazzal? Alhamdulillah, très rapide Makan. Assalamu alaikum, cher. Un frère m'a dit que salat atiba, on peut faire jusqu'à 16 raklat. Je voudrais savoir si c'est authentique et comment on les fait dans la journée. Et je voudrais savoir aussi combien de raklat dua jazakallahu khairi. Je pars là-bas et là-bas, ils font 23 raklat. Et moi, j'ai pris l'avis de Shir Albani, rahimallah, 11 raklat. Quel conseil me donnez-vous? Celui qui a dit que les rawatib c'est 16, il a fait rentrer les 4 rak'at où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se font avant le asr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rahimallahu mara'an salla arba'an qabla al-asr, que Allah subhanahu wa ta'ala yani pardonne, si je puis dire pardonne, soit miséricordieux envers quelqu'un qui fasse 4 rak'at après l'asr. Naam. Certains ulama ont dit les 4 rentrent dans les rawatib. Mais la plupart des ulama disent qu'ils ne rentrent pas. Disent que ces 4 se font de temps en temps, c'est tout. Et que le plus sûr, c'est le hadith qui a cité 12. Et toi, Makan, toi, si seulement yani, on pouvait yani, faire les 12 et les faire pendant toute sa vie, c'est déjà masha'Allah. Quiconque fait 12 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lui construit quoi? Un palais dans le paradis. Naam, il a une maison dans le paradis seulement pour 12, masha'Allah. Donc voilà pourquoi les ulama ont divergé. C'est sur les 4 rak'at qui sont avant salat al-asr. En ce qui concerne la umrah, il est authentique le rapporté par Aïcha qui dit que Rasulullah priait toujours 2 rak'at après subh et asr. Après subh et asr. Naam, mais le fait d'être authentique, cela ne veut pas dire que les ulama les ont fait rentrer dans les rawatib. Naam, cela ne veut pas dire que les ulama les ont fait rentrer dans les rawatib. Naam. En ce qui concerne l'Umrah, et là-bas ils font 23 rak'at. Naam. Si tu es de l'avis d'Al-Albani, naam, qui dit qu'il faut faire 11. Naam. Mais je ne sais pas ce que dit l'Albani quand il y a l'imam qui fait 23 et que tu es derrière lui. Est-ce qu'il dit que tu dois suivre l'imam ou il dit que tu dois couper et sortir dans les 11? Naam. Je vois moi des gens, quand ils arrivent à 11 rak'at, ils sortent. Ils disent parce que je suis convaincu qu'il ne faut pas faire plus de 11. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11. Mais ceux qui font 23, le problème, c'est qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus que le hadith est authentique. Naam, c'est pour ça qu'il fait 23. Et si tu fais toi derrière lui, à cause de sa conviction à lui, naam, tu n'es pas, inshallah ta'ala, dans l'erreur. À cause de ne pas faire de problème et de garder yani, de l'unicité, etc., l'union, etc. Surtout qu'il s'est basé sur un hadith, lui, qui pour lui, ce hadith est sahih. Naam. Et maintenant, quand quelqu'un seul fait la prière, il ne dépasse pas 11. Car le hadith est faible, comme je viens de dire. Mais il est authentique pour ceux qui font 23. Ils disent pour nous, ce hadith est vrai. En ce sens que lorsque tu fais derrière eux, c'est parce que tu marches avec leur intention. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Isa tafadhali. Je voulais savoir la signification exacte de subhanallahi walhamdulillah, gloire et louange à Allah ta'ala, ta'ala. Et quelle est exactement la différence entre les deux? Barakallahu fikum. Naam, salam alaykoum wa rahmatullah. Je voulais savoir la différence entre subhanallah walhamdulillah. Naam. Quelle est la différence entre les deux? Quand on dit subhanallah, ça veut dire c'est éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts. Naam. Quand quelqu'un dit par exemple Allah subhanahu wa ta'ala est avare, tu dis subhanallah, subhanallah, yani Allah ta'ala a ce défaut. Et par exemple Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les pieux. Subhanallah. Donc subhanallah c'est quoi? C'est éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts. Il n'a aucun défaut. Naam. Et alhamdulillah, c'est lui faire les louanges, c'est le remercier. Alhamdulillah pour cette ni'ma de l'islam. Alhamdulillah pour la ni'ma des enfants. Alhamdulillah pour la ni'ma de la santé. Et comme ça. Donc, c'est ça la différence entre les deux, inshallah ta'ala. L'autre, c'est gloire. Gloire, c'est éloigner de Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts. Naam. Et l'autre, c'est quoi? C'est louange. Naam. Et l'autre, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Makan a dit, vous avez oublié pour salat dua. J'ai pas vu qu'il y avait salat dua dans la question. Je vais voir. Dans la question, il n'y a pas salat dua. Makan, il n'y a pas salat dua. C'est écrit, salam alaikum. Un frère m'a dit, salat ratiba, on peut faire jusqu'à 16. On peut faire jusqu'à 16. Tayyib, je voudrais savoir si c'est authentique. Et comment on les fait dans la journée. Et je voudrais aussi savoir combien de rak'at faisait le prophète pour ça. Aïe Allah pour salat du'a. Jazakumullah khairan. Salat du'a. Salat du'a ou bien salat du'ha? Pardon, du'a ou la du'ha? Du'ha c'est avec H. Du'ha. Naam, salat du'ha. Le minimum c'est 2. Salat al-Duha. Le minimum c'est 2 rak'at. Le maximum c'est 12. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le minimum c'est 2. Le maximum c'est 12. Bi'idhnillahi azza wa jal. Pas de problème. Salat al-Duha, le minimum c'est 2. Le maximum C'est 12, inshallah ta'ala. Tayyib. Oumaïssa, je crois qu'elle a posé sa question. Attends, on va voir Oumaïssa, est-ce qu'elle a posé sa question? Alhamdulillah. Donc, pardon pour la. Si je te fais descendre. Papa, que t'as fadal. Elle n'est pas affichée. Papa, que la question n'est pas affichée. Tu peux l'envoyer à Ibn al-Qayyim qui l'affiche. Tayyib. Pour ne pas perdre de temps, Babahari Tafazal. J'en ai perdu beaucoup de temps. Il reste 10 minutes et je dois arrêter. Je donne le micro. Salam alaikum. Cher, c'est vrai qu'il ne faut pas raconter ces cauchemars et que les beaux rêves deviennent comme nous les avons interprétés. Je me suis vu en rêve en train de déterrer un trésor plein de petits lingots. C'est bon ou pas? Lingots d'or enterrés derrière la mosquée et une partie. Ma tête dérobée par des gens du quartier. Qu'est-ce que cela veut dire? Faut-il réfléchir? Barakallahu. Non, j'avais dit que les cauchemars, il ne fallait pas les raconter. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait cracher et dire au doublem shtaradim, cracher son côté gauche trois fois et dire au doublem shtaradim. Et s'il voulait, ou là s'il pouvait, il se levait, il faisait des ablutions, il faisait deux rakat, mais il ne devait pas raconter. Il ne devait pas raconter le cauchemar. Quant au beau rêve, non, il ne faut pas l'interpréter de soi-même. Hein, mais il faut par contre l'exposer à un savant. C'est lui qui explique les rêves. Non, quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un qui explique les rêves. Non. Ensuite, toi, ce que tu as rêvé, tu as dit, je me suis vu en rêve en train de déterrer un trésor plein de petits lingots. La mosquée, enterré derrière la mosquée. Une partie m'a été dérobée par les gens du quartier. Est-ce que je vais dire, mais fadlik cher? Non. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as vu, je ne sais pas si tu étais avec nous dans le cours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu de l'or, et malgré cela, ce n'était pas un rêve, yani, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de, yani, l'interprétation de l'or, ce n'est pas l'or. Mais, puisque l'or en arabe, dhahab, c'est quelque chose qui part, donc c'est quelque chose qui ne restait pas. Mais toi, ce qui est bien, c'est que c'était du côté de la mosquée. C'est du côté de la mosquée. Non, c'était derrière la mosquée, pas loin de la mosquée. Peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, c'est du ilm. Peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, c'est du ilm. Yani, lors de la mosquée, c'est le ilm. Il n'y a pas mieux que le ilm. D'abord, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne la science à une personne, non, c'est mieux que de lui donner de l'or. Car avec l'or, on peut faire des péchés, on peut boire l'alcool, on peut, non. Mais avec le ilm, je suis loin de cela, cher. Peut-être que ça va venir, papa. Peut-être que ça va venir. Non, peut-être que, inshallah ta'ala, ça va venir. D'ici demain, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, inshallah ta'ala. Non. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'empêcherait de demander la science et de t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Personne ne t'empêche, au contraire. Si tu fais juste un petit geste, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Barbahari a dit, est-ce que est-il permis de faire des achats par internet, sachant que le vendeur envoie l'objet acheté une fois qu'il a reçu l'argent? Est-il permis de... Non. En ce qui concerne, si je donne à quelqu'un de l'argent par internet, ensuite j'attends et il m'envoie ça, la chose que j'ai achetée. Ce n'est pas interdit, mais je sais que il y a beaucoup d'escrocs en internet et beaucoup de gens qui reçoivent l'argent et ils ne t'envoient rien. Naam, car de chacun il touche 20 euros, les 50 euros de chacun. Il fait ça dans tous les pays du monde, sûrement qu'il va devenir riche. Naam, Ensuite, faites bien attention aux sœurs et aux frères qui croient que dans l'internet on gagne des choses. On te dit clique ici, tu vas gagner 10 euros. Clique ici, tu vas gagner 100 euros. Et comme ça. Surtout si on t'envoie quelque chose, on te dit tu as gagné 1 million d'euros, ou 2 millions, ou 3 millions. Alors là, il faut très, très, très faire attention et ne jamais répondre à ces choses car ils vont t'enlever tout l'argent que tu as. Tout l'argent que tu as caché depuis des années, on va te le prendre. Alors, faut bien faire attention et marcher sur la règle générale qui dit quoi? En Internet, jamais quelqu'un ne me donne un euro. En Internet, c'est moi qui donne mon argent aux gens. Ils sont pas fous. Il est là-bas assis derrière un PC. Il va m'envoyer de l'argent. Tout seul, il va dire, tiens, tu as gagné 1 million d'euros, tu as gagné 1 000 euros, tu as gagné 100 euros. C'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui jette l'argent par la fenêtre. C'est pas possible. Donc, c'est pour les nigauds, pour attraper les nigauds. Il faut bien faire attention, Inch'Allah Ta'ala. Oum Abdillah, t'as fait de l'aller? On ne sait pas si c'est Oum Abdillah, celle qui était avec nous. T'as fait de l'aller? J'attends pour celui qui lit, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Qu'en est-il d'uriner dans les lavabos ou les baignoires? Est-ce que c'est vrai que les chayatines sont dans les trous des lavabos et baignoires et quand on jette de l'eau chaude, on dit bismillah? Alhamdulillah. En ce qui concerne uriner dans la baignoire ou dans le lavabo, cette chose en elle-même n'est pas interdite. C'est une question de propreté, c'est tout. C'est une question de propreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne devait pas uriner dans l'endroit où on se lavait. C'est-à-dire si l'eau reste stagne, ne part pas dans le trou, alors il est interdit d'uriner. Par exemple, il y a des gens qui rentrent dans la baignoire, ils remplissent la baignoire par exemple, mais peut-être qu'ils vont uriner. S'ils urinent, c'est interdit car l'urine va se mélanger avec l'eau et ça va être tout souillé. Ça veut dire qu'il va avoir tout son corps qui est souillé. Et même la souillure peut lui rentrer par la bouche, par les oreilles, etc. Mais maintenant, si l'eau de la baignoire sort, c'est comme l'eau du lavabo. Donc, dans ce cas, ce n'est pas interdit. Mais reste quoi? Reste la propreté. Question de propreté. Comment je vais uriner dans le lavabo? Ensuite, je vais me laver. Sauf, bien sûr, si quelqu'un urine et qu'ensuite, il jette directement l'eau pour qu'il ne reste pas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai que les chayatines sont dans les trous des lavabos et baignoires et quand on jette de l'eau chaude, on dit bismillah? Naam, les chayatines restent beaucoup. Naam, les chayatines restent beaucoup dans les endroits où il y a la souillure. Naam, dans les trous où il y a pas. C'est pour ça qu'on les trouve dans les toilettes, par exemple. Naam. C'est pour ça que quelqu'un, quand il va dans les toilettes ou là même dans la rue, il y a un rocher ou là, il s'approche et il veut uriner devant cette chose, il doit dire bismillah. Pourquoi? Parce que et c'est possible que les chayatines soient là-bas. Ensuite, il va avoir quoi? Il va avoir des problèmes avec la chayatine. Une seconde. Bon, le Coran que vous avez entendu, c'est une sorte d'alarme. Ça veut dire quand il a commencé à réciter, ça veut dire que le temps du das est terminé. Donc je voulais dire que naam, on va jeter de l'eau chaude dans des endroits pareils, il vaut mieux dire bismillah ou bien l'irayat kursi ou quelque chose comme ça. Y a-t-il une doua de dire avant? Au moins bismillah. Naam, au moins bismillah ou bien dans la cuisine par exemple, ou seulement. Dans la cuisine, ce n'est pas grave. Non, dans la cuisine, ce n'est pas grave. Dans l'évier, il n'y a pas de souillure. On parle dans les endroits, quand on jette l'eau, où il y a de la souillure. Naam. Dans l'évier de la cuisine, ce n'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, je vous laisse, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, demain. Et comme ça, chaque soir, Inch'Allah Ta'ala, je réponds directement à vos questions. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.